marche pas. On met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste le temps de rêver d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas. L'enfant qui reste presque nul est s'installe de sens. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des amis, des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit. C'est une